Salut, alors vous l'aurez compris, on va parler logement. C'est l'été, beaucoup de gens partent en vacances. Malheureusement, la répression et particulièrement les expulsions, les expulseureuses, ne prennent pas de vacances. Et comme on sait effectivement, en dehors de la trêve hivernale, les expulsions locatives ou non se multiplient un peu partout. Et aujourd'hui, on va revenir sur ce qui s'est passé récemment à Angers. Alors peut-être vous vous souvenez qu'on avait parlé en septembre dernier d'une ancienne CPAM réquisitionnée. Donc il y avait un petit interview des habitants habitantes de ce lieu ouvert en septembre à Angers. On va d'abord se réécouter un extrait de cette interview et puis ensuite parler de ce qu'est devenu ce lieu. Alors ouais, on est là depuis le 3 septembre, donc on occupe les lieux, c'est-à-dire qu'on est plusieurs à y vivre et avec toutes les complications qui sont liées au lieu et à l'occupation et à l'entente avec le propriétaire, on essaye de mettre en place des activités, de la rencontre avec les voisins. Notre intervention dans ce lieu, le premier but c'est contrer la loi Elan. Donc on s'est positionné ici pour ça et aussi pour pas mal de problématiques qui se passent sur Angers comme dans d'autres villes, les logements d'urgence qui sont un peu complètement pleins même, saturés. Et donc, c'est pas encore tout à fait mis en place, mais dans quelques temps, il y aura plusieurs sleepings, plusieurs salles d'accueil pour de l'hébergement d'urgence, parce que le 115, donc, comme je disais, il est saturé. Donc, il y a quand même toujours des gens qui traînent un peu à droite à gauche, qu'on sait pas trop où ils sont, et que ça permettrait de les rallier, de leur donner un coup de main, d'avoir un espace info, un espace de cantine, un espace de cuisine. La douche, elle est pas encore mise en place, mais il y aura des espaces sanitaires. Donc voilà, ça, c'est un peu toutes les motivations qu'il y aurait dans ce lieu. Et effectivement, de la vie dans ce lieu, il y en a eu. Comme en témoigne notamment la page Facebook du squat qui s'est renommée La Grande Ours. Des jeux, des bouffes collectives, des concerts, des projections, des discussions diverses et variées. La Grande Ours pouvait héberger jusqu'à 60 personnes certains soirs, dont beaucoup de familles, donc pas mal d'enfants. Voilà, et malheureusement, sur rendu de justice, elle était donc expulsable depuis le mois de juin. Le mercredi 19 juin, c'est pas la Grande Ourse qui est expulsée, mais c'est un campement rue du Maine à Angers. Donc 70 habitants, habitantes, pour la majorité des Roms, des familles Roms, ont été délogés de leur terrain et de leurs habitats précaires. Et du coup, on reçu la solidarité, bien sûr, de la Grande Ourse qui pensait être potentiellement expulsée dans la foulée et qui finalement aura tenu jusqu'au 31 juillet. Voilà donc le 31 juillet, les habitants, habitantes de la Grande Ourse, donc une quarantaine de personnes qui étaient présentes, ont été réveillées vers 6h du matin par la police pour être expulsées. L'opération avait été bien préparée car aucune information n'avait fuité et les personnes se retrouvaient donc surprises. Ça s'est passé rapidement, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Les habitants habitantes se sont vus proposer 5 nuits d'hôtel. Voilà, donc comme d'habitude, un relogement très ponctuel, disons pour moins choquer l'opinion publique, mais qui n'a rien d'une réelle solution. C'est absolument pas durable. Si quelque chose à noter quand même pendant cette expulsion, du coup, il y avait une personne de la préfecture présentée comme mandatée par l'Office de l'aide au retour volontaire, puisque la Grande Ourse logeait des personnes de diverses origines et nationalités, donc des Français, mais pas seulement, et du coup, un certain nombre de personnes exilées, dont plusieurs en situation irrégulière, et du coup cette personne de la préfecture présente le jour de l'expulsion, a contrôlé les identités et a convoqué en fait les personnes qui n'avaient pas leurs papiers pour une vérification de leur situation administrative donc dès le lendemain. Et donc c'est deux familles et une personne seule qui se sont retrouvées en fait avec une obligation de quitter le territoire français. Heureusement, elles n'ont pas été placées en centre de rétention immédiatement, mais c'était une des grandes craintes suite à l'expulsion de la Grande Ourse. Et donc, les personnes ont été en hôtel jusqu'au 5 août. Et donc, le 5 août était organisé un nouveau rassemblement pour exiger le logement durable de toutes les personnes à la rue. Il y a une partie des habitants et des habitantes qui étaient à la Grande Ourse qui sont relogés selon la préfecture. En réalité, c'est une mise à l'abri temporaire et seulement pour certaines personnes. Et puis il y a d'autres personnes, on entend dire qu'elles n'auraient pas vocation à être relogées. Du coup, je ne vais pas rester sur une place gentrifiée avec une déco qui change tous les ans avec un budget énorme alors qu'il y a encore des gens qui dorment dehors. Du coup, je vous propose pour celles et ceux qui ont envie de marcher jusqu'au 115 parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent là-bas. Et juste pour un récap, ce 115 qui est déjà une ignominie a été déplacé il y a plus d'un an maintenant. La préfecture et la mairie savaient qu'il n'y avait pas assez de 60 places à cet endroit pour loger les gens qui dorment dehors, enfin loger, les mettre dans des trucs en carton et c'est tout. Et elles l'ont déplacé en laissant exactement 60 places. Du coup, il y a toujours des gens qui n'ont pas de place. Et pour combler à ça, il y a des gens qui sont de bonne intention, qui hébergent des gens pour une nuit, une semaine ou plus chez eux, chez elles. Mais il y a toujours des gens qui dorment dehors malgré ça. Du coup, voilà, on a un État qui se prétend social, sauf que cet État social, en fait, il passe son argent pour embaucher la police, pour mettre des gens dehors tous les 6 mois environ pour les squats existants. Voilà le social. Plutôt que loger les gens, on préfère les expulser. Et ça, c'est le Sénat qui estime que ça coûte en moyenne 23 000 euros une expulsion. Donc ça va, c'est pas cher. Voilà, c'est bien de payer des impôts. Ça permet à la police d'expulser les gens. Du coup, pour ceux et celles qui veulent bien, on va bouger au 115. On se bat pour ça parce qu'il y a des familles qui sont dehors. Et si je trouve pas ça normal, que dans une ville comme Angers, moi j'ai jamais vu ça. Alors ici, on est tous là pour dire, oui, il faut que ça se développe pour tout le monde. C'est pas juste pour certains. Ça veut dire pour tout le monde qui sont en galère, qui veulent avoir une meilleure vie, comme moi. Moi je suis arrivé ici, ça fait 4 mois. J'ai une fille, j'ai ma femme qui est là. J'avais un CDI, et bien à cause de la misère et la galère qu'on tape aujourd'hui, on se retrouve dans les hôtels, j'ai pas pu continuer mon contrat. Ça veut dire que j'étais licencié par rapport à mes problèmes. Alors c'est pour ça, moi je vous demande à tout le monde de dire « un toit c'est un droit » pour toutes ces familles et tous ces gens qui sont en galère et en misère. Merci. Alors vous venez d'entendre du son issu du coup de ce rassemblement du 5 août à Angers. J'espère que vous avez compris un peu ce qui s'y est dit malgré la qualité du son qui est pas top. Et pour compléter, du coup, je vais vous lire un article trouvé sur bassechaîne.info qui est le mutu de la région angevine. Suite aux expulsions des dernières semaines, au relogement très précaire pour certains, certaines, et la rue pour d'autres, face aux 115 saturés, ce lundi 5 août, un mouvement s'est créé à l'initiative du collectif de soutien de la Grande Ourse. Donc une soixantaine de personnes se sont réunies place du ralliement en fin d'après-midi pour protester contre le manque de solutions de logement à Angers. En effet, suite à l'expulsion de la Grande Ourse, les solutions de relogement proposées par la préfecture se sont avérées plus que précaires. Excentrés de la ville et sans moyens pour cuisiner ou se déplacer, les habitants-habitantes sont restés dans l'incertitude totale sur ce qui allait se passer après ce lundi 5 au soir, date à laquelle la prise en charge hôtel s'arrêtait. Finalement, 6 personnes, dont une famille, n'ont pas vu leur relogement à l'hôtel reconduit. Pour les autres habitants-habitantes, c'est une semaine qui a été rajoutée. L'incertitude et le stress sont donc toujours là pour ce qui s'en suivra. Ils sont dans l'attente de voir une enquête sociale s'établir comme l'avait annoncé le préfet, mais pour l'instant, personne n'est venu. Actuellement, il y a plus de 12 914 logements vacants sur Angers et aucune prise en charge convenable des personnes mises à la rue. La seule solution reste le 115, lieu ne proposant que 63 places pour la nuit. Saturé, il s'est vu déplacer en périphérie, entre deux grands axes routiers, au bord des voies de chemin de fer, sans pour autant que des places de plus ne soient créées. construction précaire, à une demi-heure du centre, le chemin est long et compliqué pour les familles, femmes enceintes et personnes handicapées. Une situation particulièrement pitoyable. Au vu de cette situation, après une heure de rassemblement, où passants et touristes se sont arrêtés pour lire et s'informer et écouter les revendications, le mouvement prend la direction du 115 de manière improvisée. Plus de 70 personnes ont partiellement bloqué les boulevards Foch et le tramway. La police non préparée a d'abord surveillé de loin, puis suivi la manifestation jusqu'à la halte de nuit. Sur place, des personnes attendaient l'ouverture du 115 et ou étaient venues soutenir l'initiative du collectif, partageant ensuite repas et discussions. Le rassemblement s'est tenu jusqu'à l'ouverture de la halte de nuit. La situation actuelle du logement à Angers est déplorable. Cacher la misère plutôt que d'aider ces femmes, ces hommes et ces familles à s'en sortir. Voilà la devise d'Angers, ville où il fait bon vivre. Donc voilà, ce petit reportage s'arrête ici pour continuer à se tenir informé. N'hésitez pas à vous rendre sur le Facebook du collectif La Grande Ourse ou sur bashchaine.info. Et puis, bien sûr, continuez aussi à vous informer des situations et des événements qui peuvent se passer ailleurs qu'à Angers parce que c'est assez représentatif de ce qui se passe cet été un peu partout en France. Et des lieux occupés, il y en a, des lieux expulsés, il y en a, des personnes à la rue, il y en a malheureusement beaucoup. Voilà, bel été à vous malgré tout.